Nou kremete kay la hot la kay vi yo. Ti koube ki la. Wakonet nan toksi, wakonet. Sa se an liris ba tout le moun nan ki sa fe mwen pet tan la vi ya. Ekoutye so. Aiko ke maman ou bagatan. Mwen di ou aiko ke maman ou bagatan. Gade mwen yon si aiko ke maman ou bagatan. Koute. Epi tanda. Mwen di ou aiko ke maman ou bagatan. Gade mwen yon si aiko ke maman ou bagatan. Mwen di ou aiko ke maman ou bagatan. Koute. Epi tanda. Mwen koke fan bou glase bon. Se fe. Mi achel maman le fe la vi mwen. Epi ki sa ka rive mwen. Mwen sa pri an pop je mwen. Ki sa ka rive mwen. Epi an fam san. Rien. Moi c'est un chien contre tout nom. Et je suis le meilleur et je l'assume, c'est ça le pire. Maman la café just pour tester bon en avenir. Mais malheureusement c'est derrière nous qu'on a couru. Ce qui est telle vieille femme, aïe coquée maman ou pas carton. Aïe coquée maman, ce qui est telle vieille femme, aïe coquée maman ou pas carton. Aïe coquée maman. Yo dans toxi, attends. Chouet où sont hein? Ma cabaye ou un autre bagaille. Tonsa femme. Mwen leve un matin, yo reste dimanche en chien. Un gentil bouc comme moi, moi même pas comprendre rien. Moi pas pété tête, moi m'a commencé coquer putain. Et y a tellement mi manque à dénommer comme moi le chien. Aïe coquer maman ou bagatan. Mwen di ou aïe coquer maman ou bagatan. Gade mwen yon si aïe coquer maman ou bagatan. Koute. Epi tanda. Mwen di ou aïe coquer maman ou bagatan. Gade mwen yon si aïe coquer maman ou bagatan. Mwen di ou aïe coquer maman ou bagatan. Koute. Epi tanda. Wakonet nan toksi, wakonet. Nou kay mette kay la hot la, kay vi yo. Ti koube ki la.